les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Se considérait-il comme un écrivain ou simplement, si l'on peut dire, comme un grand seigneur qui donnait son avis sur les choses du temps? Il avait dû rêver d'associer l'action à l'écriture et s'était replié sur l'écriture seule. Le duc de Saint-Simon, quoi qu'il en soit, possédait un grand talent de conteur et de portraitiste. Son obsession, on le sait, la politique de la pairie. Ses écrits, une autobiographie ou les mémoires du grand siècle. La généalogie aussi, les lignages, l'usurpation des gens de robe et les bâtards. Ce siècle où, en plus des guerres réelles, se menait celle des encriers. Saint-Simon, duc et pair, jamais aussi bon dans sa prose que lorsqu'il méprise, accable ses ennemis. Les Lundis de l'Histoire, présentés par Pierre Cipriot, s'intéressaient à une nouvelle édition des fameux Mémoires de Saint-Simon. Lundis de l'Histoire, donc aujourd'hui consacré à Saint-Simon, aux mémoires. 9 volumes sont prévus dans la bibliothèque de la Pléiade, 1 volume tous les 9 mois, donc 2 x 9. Et ce premier volume qui sort est daté de 1691 à 1701, avec des additions au journal de Dangeau, qui a servi pour Saint-Simon de repère chronologique. L'édition a été établie par Yves Coirot et nous allons pouvoir présenter ce livre avec l'auteur de l'introduction et des notes, Yves Coirot, avec Pierre Buge, qui est directeur de la bibliothèque de la Pléiade, également avec Roland Mounier de l'Institut et Jean d'Ormesson de l'Académie française. Alors, première partie avec Pierre Buge et Yves Coirot. Saint-Simon dans la Pléiade, Pierre Buge, ce n'est pas un avènement, c'est un événement, car il y a eu une édition précédente qu'on devait à Gonzac Truc, mais en tout cas c'est un événement, je souligne le mot, car M. Coirot a écrit une préface qui est vraiment magnifique dans une collection où déjà vous avez des préfaces, souvent des introductions qui sont remarquables. Je crois que celle-là est à la fois très complète. M. Coirot insiste toujours que sur le mémorialiste Saint-Simon, il faut avoir des vues d'ensemble, également comme lui, c'est-à-dire penser à tout, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a senti, tout ce qu'il a voulu montrer de son époque, et en même temps déformer. Donc, penser à tout, et il faut aussi être précis. Et je crois que M. Coirot a réussi cette gageure de manier une fresque, un grand tableau, et en même temps de voir les choses avec la myopie qui caractérisait le regard de Saint-Simon quand il observait ses contemporains. Alors Pierre Buge, peut-être un mot sur l'histoire de cette édition, qui est quand même une vaste entreprise. Vous avez dit qu'il y avait une édition de Saint-Simon dans la Pléiade, c'est exact, elle était due à Gonzac Truc, et M. Coirot ne me démentira pas, elle avait des mérites. Elle a été très utile, il fallait la remplacer parce que la formule de la collection a changé, elle est maintenant plus élevée. Tout honorable qu'elle fût, cette édition n'était pas suffisante pour ce qu'est la Pléiade actuelle. Le texte était fondé sur une édition du 19e siècle. Monsieur Gonzac Truc n'était pas retourné au manuscrit. Quant à la notation, elle était insuffisante. Le texte de Saint-Simon, ce n'est un secret pour personne, est assez difficile et demande évidemment une annotation très précise. Alors, M. Coirot a eu l'immense mérite de retourner au manuscrit. Ça doit être la... Donc, il y a une reproduction, d'ailleurs, un facsimilé. Oui, qui donne une idée, qui donne une idée des difficultés que présente l'entreprise. Son édition doit être la quatrième qui est faite d'après le manuscrit. Et il s'est attaché à permettre la lecture du texte de Saint-Simon. L'édition Boislille, par exemple, est une édition... certes admirable. Publié chez Hachette au 19e siècle et reprise ensuite au 20e après la guerre de 14. C'est une édition admirable de richesse. En 44 volumes. Mais il faut dire que ce n'est pas une édition de lecture. Il faut lire ou le texte de Saint-Simon ou la notation. Monsieur Coirot, je crois, a su trouver le juste point. Il fournit au lecteur tout ce qui lui est utile pour entendre le texte de Saint-Simon et rien de plus. Alors, ce qui est admirable dès qu'on ouvre ce livre, simplement sa graphie, c'est de voir la continuité. Enfin, c'est un paquet compact. Alors, Yves Coirot, le manuscrit de Saint-Simon et votre édition. Monsieur Buge et vous-même, monsieur, avez évoqué cette nécessité, oui, je dirais nécessité, malgré l'immense mérite, les immenses qualités de l'édition Boislille, et la nécessité de revenir, en effet, au manuscrit. Peut-être, d'abord parce que j'étais moi-même encouragé par une lecture du manuscrit, autant que fatigué, certes, on ne lit pas 2754 pages sans fatigue, mais je veux dire par là que c'est encourageant d'avoir un contact immédiat avec ce grand manuscrit, n'est-ce pas, vénérable, conservé très soigneusement par la Bibliothèque nationale. Mais d'autre part, il me semble indispensable de revenir au manuscrit parce que malgré l'existence de l'édition Contact Truc, malgré toutes les qualités qu'avaient pu montrer, dont avaient pu témoigner les éditeurs précédents, je dois bien dire que, par expérience, j'ai pris l'habitude de ne compter que sur moi-même. C'est peut-être, ça a l'air un peu présomptueux tout cela, mais même chez Boislille, j'ai trouvé des erreurs. Alors, ma foi, je me suis dit, pourquoi ne pas aller directement au manuscrit ? C'est toujours instructif, d'ailleurs, n'est-ce pas, de le voir. Et d'autre part, j'ajouterais que il était d'autant plus indispensable de revenir au manuscrit, cette fois je le dis bien au pluriel, que les additions à Dangeau ne figuraient que dans l'édition Boislille, cette édition au journal de Dangeau, et qu'elles avaient manifestement été trahies doublement par le premier copiste, n'est-ce pas, le scribe, comme on dit, de Saint-Simon, et également, malgré tous ses mérites, toute sa conscience, par celui qui avait été astreint à cette tâche pour l'édition Boislille. Alors là, j'avais tout à fait, comment dire, l'intention, le désir de reprendre ceci, d'autant plus que je m'y étais intéressé, voici déjà plusieurs, peut-être pas loin d'une vingtaine d'années au-delà, à ces additions à Dangeau. Je voulais grouper moi-même aussi, à mon tour, n'est-ce pas, en Keio, les additions à Dangeau, qui étaient comme la, comment dirais-je, une des grandes ébauches, ou une somme d'ébauches importantes, très importantes, et d'autre part, le texte définitif du grand œuvre. Il faut dire, parce que souvent on a pu mettre en question l'originalité de Saint-Simon, disant qu'il avait recopié Dangeau, vous mettez les choses au point. Il s'est servi de Dangeau un peu comme on se sert d'un calendrier. Oui, calendrier quand même un peu plus. Je retrouve souvent du Dangeau, et ce n'est, comment dirais-je, souvent, c'est avec intérêt. Je dirais même que, au fur et à mesure, dans mon travail, j'ai pris goût à Dangeau. Il me semble que pourtant, quand on lit Saint-Simon, on devrait devenir plus ou moins, comment dirais-je, allergique à la prose assez insipide de Dangeau. Mais après tout, oui, mais à force, comment dirais-je, on finit par vivre dans cette époque, et à ce moment-là, Dangeau retrouve son intérêt, il nous aide à vivre à la cour de Louis XIV, et par conséquent, ce qui a pu passer, être infusé, n'est-ce pas, dans les mémoires de Saint-Simon, des mémoires d'Anjou, comme il les appelle, eh bien, ma foi, n'est pas sans mérite, et contribue à cette résurrection que nous attendons, n'est-ce pas, de cette grande œuvre qui est la sienne. Il lui est tout de même sévère, là, Dangeau. Ah, oh, il est sévère. Il ment de façon puante, dit-il. Oui, je reconnais qu'il est puamment ingrat. C'est certain. Ce n'est pas le cas de Torcy. Torcy est passé en grande partie dans les mémoires. Oui. Et je regrette qu'il ait tant sacrifié à Torcy. Enfin, c'est une, comment dirais-je, la question ne se pose pas pour le tome 1. Mais enfin, disons qu'il admire, il salue Torcy, et ce pauvre Dangeau, qui n'en peut mais, évidemment, est assez accablé, et il n'a plus qu'à courber le dos sous la verse. Mais enfin, ce n'est pas le premier cas d'ingratitude, je crois. Et Saint-Simon lui-même disait que Astrée avait regagné le ciel. La reconnaissance n'était plus une vertu si commune. En tout cas, on peut non pas avoir une reconnaissance pour Saint-Simon, mais au moins reconnaître comme nôtre ce Versailles qu'il a recréé à peu près complètement, exactement comme Proust a créé le monde de Montesquieu sous le nom de Guermantes. C'est une matière demeurée intacte, pour reprendre un mot de Saint-Simon. Et un mot de Proust encore, de belles choses qui ne se font plus, c'est ainsi, il me semble, qu'on pourrait caractériser les mémoires de Saint-Simon, vous venez de nous montrer, à propos du manuscrit, de belles choses qui ne se font plus. Maintenant, alors, vous citez une phrase, je ne sais plus de qui, « Le Dante est assuré de survivre, on le lit peu ». Peut-on appliquer, De Voltaire, oui. Peut-on appliquer cette phrase à Saint-Simon ? Dante a donné quand même un adjectif dantesque, comme Kafka a donné un adjectif kafkaïen, et comme Stendhal a donné un adjectif stendhalien. Quand on parle de Saint-Simonien, immédiatement, c'est le penseur socialiste du début du 19e siècle. Oui, c'est un risque, en effet, de confusion qui s'est créée peu à peu. C'est pourquoi, je pense, certains ont voulu substituer à cela le mot saint-simoniste, non, parfois sans quelque excès. Après tout, saint-simoniste, oui, je veux bien, mais on parlera de style saint-simonien, de personnage saint-simonien, je ne vois pas pourquoi on parlerait de personnage saint-simoniste. Mais disons que l'adjectif, peu à peu quand même, se ferait son chemin, ou les adjectifs, que l'erreur est encore assez courante, comment dirais-je, je crois que c'est peut-être à certaines ambiguïtés qui vient du nom commun, n'est-ce pas, ou de Saint-Simon. Saint-Simon et son cousin, le philosophe et le mémorialiste. C'est à cela peut-être que je suppose que ma thèse doit se trouver dans quelques coins de Russie. On a dû prendre Saint-Simon, le petit duc, n'est-ce pas, pour le philosophe. Et tant mieux d'un certain point de vue, et pour moi-même d'abord. Mais disons que, en effet, l'adjectif saint-simonien mérite d'être retenu, et saint-simoniste, je le veux bien, mais je ferai cette réserve. Je pense que l'édition actuelle, l'édition de la Pléiade, doit être destiné à un vaste public et non pas à quelques happy few sans doute, mais extrêmement rares jusqu'à présent, qui étaient les lecteurs de Saint-Simon. Un de mes excellents amis disait récemment, n'est-ce pas, Saint-Simon n'appartient à personne. Je lui ai répondu oui, mais surtout pas saint-simoniste. Et en effet, il me semble que c'est tout le monde qui est intéressé. C'est un Saint-Simon tout à tous, avec d'ailleurs beaucoup de sérieux. Je demande qu'on me le reconnaisse, ce sérieux, à défaut d'autre chose. Mais ce Saint-Simon qui est destiné à un vaste public, qui aura plaisir à la fois à retrouver ce monde grandiose de Versailles, avec aussi d'ailleurs, comment dirais-je, l'envers du décor, bien entendu, et puis aussi une personnalité tout à fait hors pair, sans jeu de mots, qui est celle du mémorialiste. Oui, mais monsieur Cipriot a raison. Quelle que soit la personnalité de Saint-Simon, c'est assez curieux. C'est un fait, on ne dit pas « c'est saint-simonien », comme on dit « c'est kafkaïen », »,« c'est stendhalien », »,« c'est balzacien ». Oui. Il n'a peut-être pas réussi à créer, selon le mot de Flaubert, un poncif. Alors je crois que si on n'est pas tout à fait convaincu, il faut lire l'introduction générale de Yves Coirot, qui nous donne quand même une idée de cet univers de Saint-Simon, et je crois que maintenant il faut un peu s'y plonger. Alors quand même un mot d'abord, Yves Coirot, sur les mémoires de l'époque. On dit toujours que Saint-Simon a fondé le genre mémoire. Alors ce genre maintenant se perd un peu de vue, d'abord parce que tout le monde écrit ses mémoires, on ne sait même plus si c'est féminin ou si c'est masculin. Ce genre s'avilit, comme disait Saint-Simon. Oui. Alors à son époque, est-ce que les ministres partaient comme ils le font maintenant, souvent, enfin comme ils l'ont fait sous la 3e et la 4e, et même la 5e République, avec leur dossier sous le bras pour publier ensuite leur mémoire? Est-ce qu'il y avait beaucoup de mémoires publiées, et est-ce que le cas de Saint-Simon, qui ne commence à sortir qu'en 1788, puis ensuite véritable prisonnier d'État, comme le dit le descendant du duc, pour demander la publication de son texte, du texte de son arrière-grand-père, au roi Louis XVIII, et commence à paraître donc sous la Restauration? Oui, l'arrière-grand-oncle, ou plutôt cousin, je crois, serait plus juste. Mais disons que Saint-Simon n'est certainement pas le premier à écrire ses mémoires. Je ne pourrais dire faire la liste, dresser la liste. Non, mais les ont-ils publiés, les autres de... Alors justement, il y a la publication de mémoires. Je renverrai ici au grand livre de notre regretté André Berthière sur le cardinal de Ray, précisément, qui, en appendice de sa thèse sur Ray mémorialiste, a dressé une liste des mémoires en somme publiés, précisément, depuis au XVIIe, XVIIIe siècle. Et on s'aperçoit qu'il y en a un très grand nombre de gens en général. En effet, ça peut être des œuvres d'hommes d'État, de militaires notamment, ça peut être un duc de rang, ça peut être un pontchartrain, ça peut être bien sûr un cardinal de Ray. Donc le genre des mémoires aristocratiques, surtout, est très répandu. Les dossiers... Étaient-ils connus, ces textes? Ils étaient publics, ces textes? Ils devenaient publics, et surtout, je dirais que la mode a été lancée par la publication des Mémoires de Ray en 1717. Donc là, tout le monde a couru à ces Mémoires de Ray. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est un peu comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisqu'il y a eu un succès, un grand succès éditeur dans le domaine de l'édition avec Ray, eh bien, on a suivi, alors, on parut toute une série de mémoires à la suite, n'est-ce pas? On pensait aux Mémoires de la Rochefoucauld, etc. Et Saint-Simon s'y intéressait, et il s'intéressait, je vous rappelle notamment, en mémoire de Bassompierre. Oui, c'est Bassompierre. Dès sa jeunesse. Il a dit que c'était Bassompierre. Il a dit que c'était Bassompierre. Donné l'idée. Et je crois qu'en effet, Bassompierre a dû l'intéresser beaucoup. Oui, ce qui est un peu étonnant. Parce il faut bien commencer. Il était tout jeune. C'était, en somme, un peu comme son conte de fées, mais en même temps avec une vocation d'historien précoce, comme il le dit dans ses premières pages des mémoires. Alors, par conséquent, le genre était créé avec toute son ambiguïté d'ailleurs, et je ne peux pas, évidemment, ici, faire mieux qu'écorcher ce problème des mémoires autobiographique ou non autobiographique, le mot autobiographie ayant quelque chose d'assez miroitant et ambigu, ce sont des problèmes de la critique actuelle dans lesquels je ne pourrais évidemment entrer profondément. Pierre Buch. En fait, la finalité de ces mémoires a changé. Au début, qu'est-ce que ça devait être, d'après ce qu'il dit d'ailleurs, c'était destiné à lui permettre de faire une carrière, d'avoir à sa disposition des faits sur tel un tel. C'est à cela. Et ensuite, bon, il semble bien qu'il les ait écrits pour écrire des mémoires, au sens où nous le prenons maintenant, pour peindre ou pour peindre la société de son temps qu'il avait connue. Oui, il y a un problème de la finalité. Au début, c'était pas ça. Des finalités, très difficile. C'est très difficile. Un problème, on y passe une vie, si vous voulez, sans avoir... Hélas, une idée parfaitement précise de ce problème de la jeunesse des mémoires. Sa femme a joué un certain rôle, parce qu'elle, dans une certaine mesure, elle a pensé... Pour écrire des mémoires ? Oui. Oh, je n'en suis pas sûr, monsieur. Non. Elle l'a empêché de se ruiner plus tôt. Je me demande même si ce n'était pas comme Madame Racine, qui ne connaissait guère les tragédies de Racine, ce que je crois. Et pour Madame de Saint-Simon, a-t-elle jamais pénétré vraiment dans le sanctuaire, n'est-ce pas, qu'étaient les livres de son mari, ou les manuscrits de son mari ? Je n'en mettrais pas ma main au feu, n'est-ce pas ? Ce serait évidemment séduisant comme hypothèse, je ne dis pas que ce soit faux, mais disons qu'il reste des obscurités, vraiment des ténèbres épaisses sur la jeunesse des mémoires. Alors on arrive même à trouver des points, des repères, mais que d'incertitudes. Alors évidemment, on s'expose toujours quand on publie, et quand on critique et quand on édite, à se voir reprocher de n'avoir pas fait la part d'une autre hypothèse. C'est certain que vous nous présentez un Saint-Simon qui est beaucoup plus humaniste, beaucoup plus homme de lettres que celui qu'on présente habituellement. C'est-à-dire qu'il y a une culture réelle, qui a lu Tacite, ça va de soi, mais qui a lu aussi Scarron, qui a lu Brantôme, au fond, qui s'est occupé de la forme, qui s'est soucié de la forme qu'il devait donner à ses mémoires. Il a eu comme précepteur Malebranche. Et comme Malebranche un peu, mais surtout les sous-précepteurs, dirais-je, un certain Le Level, que connaissaient les malbranchistes, que ne connaissaient pas les saint-simonistes. Et je me suis, permis de leur rappeler l'existence de ce Le Level qui n'a pas laissé d'autres souvenirs, mais enfin tout de même, qui était le précepteur du jeune vidame de Chartres, comme s'appelait Saint-Simon dans son enfant. Il a une éducation soignée, je pense, un grand goût pour l'histoire. Et alors, le problème, en effet, c'est de savoir ce qu'est devenu ce projet caméléon. Et ma propre finalité elle-même n'a pas été tracée d'avance, bien que je sois de formation littéraire. Bien entendu, j'ai songé quand même essentiellement, peut-être en partie par réaction c'est pas le mot qui conviendrait, mais enfin par rapport à Boislil, à mettre l'accent tout de même sur ce qui assure la survie de notre écrivain. C'est un écrivain, c'est un grand écrivain. Proust l'a admiré comme tel, autant que comme témoin d'un grand siècle, et de Versailles en particulier, Versailles de la décadence d'ailleurs. Surtout un grand écrivain populaire. Enfin, Proust l'a défini, trouvait dans le langage de Françoise les mêmes locutions que dans Saint-Simon. Il y aurait beaucoup à faire en ce domaine d'ailleurs, trouver la langue populaire de l'époque. Je crois que moi je n'ai couvert en somme que pratiquement Saint-Simon, mais en feuilletant notamment et en travaillant dans le dictionnaire de Furtière par exemple, qui est tout de même un dictionnaire très antérieur, vous avez un contact avec une langue parler du temps, et on ne saurait sous-estimer l'importance, si vous voulez, de cette rencontre avec le génie populaire d'un génie proprement d'écrivain. Je crois que c'est là tout de même ce que Proust a dû apprécier aussi, en dehors, si vous voulez, de cette peinture grandiose, séduisante, éblouissante et ténébreuse qui la sienne. Alors il y a la phrase célèbre, elle n'est pas de Saint-Simon, mais elle est célèbre. Lorsque tout tremble devant le tyran, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. Bon, alors c'est après coup, évidemment, fois que les événements sont passés. Dans le cas de Saint-Simon, vous nous montrez que c'est quand même très différent. C'est quelqu'un qui constamment écrit sur l'histoire, mais aussi contre l'histoire. Alors n'est-ce pas là sa grande originalité ? Oui, certainement. Il y a deux manières de juger Saint-Simon. On peut juger Saint-Simon, si vous voulez, du haut, duo, sa prétendue science historique. Je parle pour moi, bien entendu, non pas pour mes collègues savants historiens, éminents historiens d'aujourd'hui. Disons qu'on peut le juger à travers, évidemment, la peinture historique moderne, et juger quand même que Saint-Simon n'a pas tout dit, qu'il, même il s'est mépris très souvent. Mais si l'on remet, je crois que cela c'est une démarche tout de même d'historien, si l'on remet le témoignage de Saint-Simon dans son histoire, que j'appellerai immédiate après d'autres, bien connue, si l'on remet cela à son, dans son époque, on s'aperçoit que Saint-Simon tout de même a eu cet immense mérite, sinon le courage, car après tout, son édition évidemment était sous les verrous, mais cet immense mérite de tenter une sortie par rapport à cette tradition qui venait de l'humaniste et qui avait été singulièrement d'ailleurs modifiée et gauchie par la monarchie française, n'est-ce pas, une tradition de l'historiographie, en somme, faisant l'éloge des princes, peignant en beau, n'est-ce pas, les réalités, substituant précisément aux misères, n'est-ce pas, que l'on connaît, une sorte de peinture qui magnifie tout. Alors cela, je crois qu'en ce domaine, Saint-Simon a eu un grand mérite. Il n'a pas été absolument en dehors, comment dirais-je, certaines modes. Il a subi des influences, il a subordonné son optique, ce que j'appelais son optique, à une certaine topique héritée, mais on devine, on fait mieux que deviner, déjà un effort pour comprendre son époque et comprendre plus généralement, dirais-je, presque en sociologue, le mouvement dans l'histoire, bien que ce mouvement, il le récuse et il le refuse de toute son âme, mais il l'a compris. Et alors après, si vous voulez, se fait jour une réflexion avec beaucoup de lenteur, d'inertie, de retour en arrière, une réflexion qui évidemment sera plus ou moins offusquée par la grandeur et d'un Montesquieu et d'un Voltaire en son époque chez nous, et de quelques autres par la suite, et de bien d'autres, et puis bien entendu par cet autre Saint-Simon, cet anti-Saint-Simon que sera Michelet. Il est évident que nous demandons autre chose aujourd'hui à l'historien moderne, mais tout de même, la finalité historiographique de Saint-Simon ne saurait être sous-estimée par rapport à d'autres finalités qui sont peut-être moins avouables, moins avouées, qui est évidemment, je crois, aussi de se venger de ses ennemis. Il faut bien dire aussi qu'il y a une volonté de faire les châtiments, d'écrire les châtiments de son siècle. Oui. À propos de Michelet, et pour la scène des bougies où on voit le père Tellier, père Tellier, au moment de la révocation d'Édith de Nantes, vous parlez quand même du Michelet du XVIIe siècle. Oui, je pense qu'on l'a dit d'ailleurs, je ne pense pas être le premier à avoir dit. Oui, un peu de cette même passion, si vous voulez, cet aspect de sorcière, vous le trouvez chez Saint-Simon. Il est séduisant par là même, je dirais que, tout comme j'ai grand plaisir à lire Michelet dans un autre sens, c'est un petit peu le même plaisir d'une passion, si vous voulez, de quelqu'un qui vit tous les troubles de son siècle. Et alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on abonde dans son sens, mais on aime assez cette réaction violente contre les abus, n'est-ce pas, qui sont de toute époque, hélas. Et alors, je crois qu'il y a une sympathie qui se crée peu à peu par un long contact avec Saint-Simon, même quand on n'est pas dupe, je dirais même surtout quand on n'est pas dupe de sa peinture, une sympathie parce que il y avait un fond d'honnêteté malgré tout, à côté de certains sadismes peut-être, passons avant la lettre, mais disons un fond d'honnêteté, un désir de bien public, au-delà, si on peut dire, de son souci, de sa dignité. Et je récuse un peu cette manière de présenter Saint-Simon souvent, trop souvent, à travers notamment les anthologies qui, évidemment, font un sort plutôt aux anecdotes et aux portraits. Eh bien, je pense plutôt que ce n'est pas Saint-Simon maniant sa marotte contre le sceptre, ou autour du sceptre, pour prendre un titre d'un bel ouvrage récent de Maurice Levert, mais c'est un Saint-Simon, véritablement, qui essaie d'entrer dans l'esprit de l'histoire et qui m'intéresse, et cette histoire ou cette méta-histoire, elle est passionnante, même si on n'adopte pas tout à fait ou définitivement le point de vue. Yves Coirot, un mot peut-être sur la confiance que Saint-Simon pouvait avoir dans son jugement et surtout dans son regard. Ah, confiance, absolue confiance. C'est là peut-être ce qui est, ce qui nous... Ah, il reconnaît bien de temps à autre, mais je veux dire que c'est un léger sacrifice pour sauver le reste. Il reconnaît bien de temps à autre qu'il s'est trompé, par exemple, pour le malheur de Berry, ou qu'il a, par exemple, il n'a pas tout de suite compris Noailles, ce monstre de Noailles. Il y a des moments où il avoue son erreur. Il dit quelque part aussi qu'on s'avance dans ce monde la tête dans un sac, parce que Dieu lui-même, selon d'ailleurs, c'est une théologie ou une histoire théologique ou une mythe-histoire qui n'est pas absolument saint-simonienne, puisque chez Bossuet, vous trouvez, avec une autre ampleur, ce même point de vue. Mais enfin, disons que Dieu tient tout dans sa main, tient les rênes, n'est-ce pas, du genre humain, et qu'il y a des personnages, mais souvent maléfique qu'il laisse agir, précisément, parce qu'il a ses fins propres, n'est-ce pas, et absolument ignoré, évidemment, de... C'est la petite cause pouvant être diabolique pour servir diabolique, les desseins de Dieu. Sûrement les desseins de Dieu. Alors, évidemment, tout cela, on peut, évidemment, substituer à cela une autre philosophie de l'histoire, mais je pense que, tout de même, cela donne beaucoup de force à sa peinture. Et si c'était un roman, il n'y a pas de doute, nous ne ferions pas des querelles de photographes, comme on l'a fait à Saint-Simon lui-même. Vous écrivez dans votre préface, Yves Corot, qu'il y a chez Saint-Simon quelque chose de panique. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de vivre la fin d'un monde, la fin d'un temps, je ne sais quoi, d'effaré. Alors, il faudrait quand même revenir aux dates. Vous nous dites que Saint-Simon commence à écrire en 1694, et Saint-Simon note qu'en 1701, c'est fini du bonheur du roi, enfin, c'est le commencement d'un déclin, d'un roi jaloux de son autorité, toujours plus roi, et qui peut dire, comme vous l'écrivez, non plus l'État c'est moi, mais moi c'est l'État. Oui. Alors, quand même, Saint-Simon est le courant, le déclin de ce règne très long, puisque Louis XIV règne à 7 ans et meurt en 1715. Évidemment, il n'a pas inventé, si j'ose dire, cette espèce de découpage du règne de Louis XIV très long, évidemment, qui comporte diverses phases. Et... évidemment, on peut songer, par exemple, au beau livre récent de Madame Ferrier sur l'image de Louis XIV, dans la suite, n'est-ce pas, des temps. Mais disons que Saint-Simon a senti lui-même beaucoup mieux que personne cette décadence, ce déclin royal. Et avec cet endurcissement, cette sclérose qui faisait de la monarchie dont il rêvait, qui était surtout la monarchie de Louis XIII, qui faisait une sorte de monarchie en quelque sorte hégémonique et totalitaire. Il l'a profondément déploré. En tant que duc et pair, et je crois également en tant que citoyen, Louis de Pontchartrain essaie d'opposer le citoyen au duc, les intérêts, n'est-ce pas, d'une caste, il faut bien le dire, et les intérêts de la nation. Mais Saint-Simon pouvait, je crois, en toute honnêteté, en toute bonne foi, prétendre que la restauration à la fois de la dignité des ducs et pairs et de leur pouvoir, et la restauration de la monarchie à l'antique, car cela pouvait remonter très loin, et pouvait œuvrer, aller dans le sens du bonheur de la nation. Et cette idée de bonheur qui sera une idée neuve, je veux bien, en Europe, elle est certainement à Saint-Simon, bien qu'il n'y croit guère. Et ce qu'il y a, évidemment, dans les mémoires, on ne trouve guère d'optimisme. Il est certain qu'il ne croit plus, et surtout au moment où il rédige ses mémoires, il est quand même, c'est autour de 1740, Louis XV n'a pas tenu les promesses du bien-aimé et encore moins de son père, le duc de Bourgogne. Alors, on a bien le sentiment qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume et Saint-Simon, plus que personne, n'est-ce pas, sent qu'il y aura une révolution prochaine, sans peut-être, il est prophète, mais sans prédire absolument quelle sera la forme de cette révolution. Mais pour lui, ce sera catastrophique en ce sens que cela marquera définitivement la fin de la monarchie. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on entre dans le règne de Louis XIV, quand on vous lit, qu'on entre dans une histoire complot, une histoire avec constamment un jeu politique, une certaine imposture, une volonté de paraître. Versailles, c'est avant tout le théâtre de la cour, ce n'est plus un ordre, ce n'est plus une hiérarchie. Oui, oui. Il n'y a plus finalement que des groupes de courtisans qui sont acheminés selon la fonction et les moments de la journée du roi à tel ou tel endroit. Et oui, il déplore cette dégénérescence de la monarchie, peut-être comme Montesquieu lui-même. Il y a certainement des affinités. Il connaissait d'ailleurs Montesquieu, puisque Montesquieu est venu sans doute au moins deux fois à La Ferté. Mais disons qu'il sent cette corruption, hein, pour parler la langue de Montesquieu. Il sent que la monarchie n'a perdu son esprit et donc son âme. Et cela l'afflige profondément. Et il trouve une explication qui n'est pas une petite cause, une explication vraiment très générale, un peu comme, si vous voulez, c'est un peu le Balzac de l'époque, qui n'a pas la philosophie de Balzac, mais un peu cette recherche d'une compréhension profonde. Mais après tout, Montesquieu fait le jalon entre les deux. Disons que c'est à l'usurpation, essentiellement, hein, qu'il attribue cette profonde corruption de la monarchie. Une usurpation qui était favorisée par Louis XIV, c'est ce qu'il lui reproche le plus, à savoir de n'avoir pas senti que la monarchie se perdrait s'il ne respectait pas ses propres structures et l'esprit même qui, en somme, a fait ce qui aurait dû être sa pérennité. Oui, et les petitesses qu'on peut constater dans les mémoires selon Saint-Simon, sont les petitesses même de l'époque. Étant donné que c'est une histoire faite de complots, il est de bon ton d'écouter aux portes. Oui, bon ton est certainement de bon ton, mais je crois que vraiment, il est également l'historien qui explique par les complots. Il y a une immense conjuration dans les, je ne sais pas, 700 ou 800 hectares de Versailles, peut-être une grande conjuration, et qu'il rattache, si vous voulez, un combat éternel de l'ombre et de la lumière, disons franchement, du diable et de Dieu. Alors il y a une tonalité épique, évidemment, qui... Lequel plus diable et Dieu sont dans chaque homme, d'ailleurs. Dans chaque homme, et plus que, comment dire, comment, qui rapproche, au fond, Saint-Simon, quand même, avec un tout autre esprit, un tout autre climat, qui rapproche tout de même Saint-Simon de Balzac, c'est-à-dire, on l'a rapproché de Balzac un peu pour certaines monographies de famille ou de personnages, je veux bien, mais par l'usage également des personnages reparaissants, on aurait pu donner le titre lui-même que Balzac a mis quelque temps à découvrir de la comédie humaine, mais il a écrit ses mémoires, ce sont des mémoires, ces mémoires, ça suppose un fond de vérité, mais enfin, il attribue une grande importance à cette conjuration et à cette usurpation. Usurpation notamment des gens de robe, et en somme ce qu'on appelle le tiers état. Oui, usurpation des bâtards. Et des bâtards, j'ai oublié, last but not least, j'ai oublié les bâtards qui pullulaient, mais surtout d'usurpation énorme, alors favorisée par Louis XIV, qui l'a véritablement. Il faut bien reconnaître que Louis XIV a trahi profondément l'esprit de la monarchie par une sorte de faiblesse, on dira certains par le sentiment de la fragilité de sa lignée, et c'est certain. Il faut bien reconnaître que lorsque l'ange exterminateur passe dans ses dernières années entre 1710 et 1715, qu'il ne reste plus qu'un arrière-petit-fils pour assurer l'avenir de la monarchie, on comprend très bien que Louis XIV ait voulu à ce moment-là mettre, si je puis dire, en jeu la lignée bâtarde. Mais tout de même, il faut penser que cela, c'est en 1710 et au-delà. Or, Saint-Simon a fait toute une liste de désavantages immenses acquis par les bâtards, dirais-je, dès leur petite enfance. Et alors, il y a tout un tableau des progrès, des degrés successifs franchis par les bâtards. Alors, à ce moment-là, il semblait que l'avenir de la monarchie fût pleinement assuré. Il y avait le grand dauphin, je veux bien, mais le grand dauphin avait trois fils, et les fils avaient au moins l'espérance d'avoir... Il y avait déjà l'état intermédiaire. Pardon. Et il était déjà question. Il était question intermédiaire, et dès le début des mémoires, dès le tome 1 de notre édition, et puis alors il y aura ensuite l'habilité à la couronne, possibilité de succession à la couronne, évidemment qui à ce moment-là a pu passer pour un vrai sacrilège, ça se comprend. Vous écrivez un pied dans l'érudition, l'autre dans la magie, on pourrait dire un pied dans l'érudition, l'autre dans l'affaire des poisons. Oui, en effet. Et Saint-Simon, en effet, a bien ce que je cite la phrase de Madame Yourcenar, qui font bien, je crois, parfaitement à Saint-Simon. À propos d'Adrien, oui. Et je crois qu'en effet, il y a cela, ce qui a pu, je crois, contribuer pour beaucoup à pousser Saint-Simon dans l'histoire, c'est ce besoin d'aller fourbir, chercher de nouvelles armes contre un État actuel, n'est-ce pas? L'histoire peut être la servante de la politique, mais elle pouvait être, comment dirais-je, pleine de feux grégeois ou d'armes destinées à contrebattre, comme dira Voltaire à propos de l'affaire Calas. Voilà, bon oui, pour contrebattre en somme l'évolution pour lui fatale de la monarchie. Alors Pierre Buche, vous avez été le premier lecteur de cette édition, vous avez donc à cette occasion relu Saint-Simon. On dit souvent qu'il est bon quand il méprise. Est-ce votre avis? Yves Coirot nous disait tout à l'heure qu'au fond, il faut quand même, dans Saint-Simon, y entrer, avoir le tableau d'ensemble, le tableau d'histoire, que c'est fondamental. Alors, le passage de ces fragments pour le public, ces fragments que le public souvent connaît, et à l'édition complète, comment peut-il se faire? C'est certainement quand sa vision est noire. Et c'est certainement quand il est noir qu'il est le meilleur et qu'il est le plus saisissant. Oui. C'est plus saisissant, plus intéressant, plus passionnant que des considérations sur les préséances ou des choses de ce genre, ou l'affaire du tabouret, l'affaire du bonnet. C'est pas là qu'il est bon. Il est bon dans le... C'est-à-dire par les hommes politiques pour savoir comment préparer une salle. Il faut penser à tout, y compris les tabourets. Oui, bien sûr. Mais enfin, il est sûr que sa vision est noire et que c'est là qu'il est le plus saisissant. Ce qui nous reste dans l'esprit et dans la vue, en quelque sorte, en effet, c'est le Saint-Simon qui accable son ennemi et qui lui saute à deux pieds sur le ventre et qui le peint. Surtout, c'est par la peinture. La peinture d'une vengeance extraordinaire. Et il nous met constamment de son côté si on a grand peine à résister à Saint-Simon parce qu'il a tellement de brillant comme conteur et comme portraitiste que, ma foi, nous sommes ravis de le retrouver. dans le genre mémoire, les portraits n'étaient-ils pas une scie de l'époque, un usage constant? C'est un usage, je crois, mais il faut faire la part, bien sûr, de la tradition du portrait. Et je renvoie, bien sûr, à des ouvrages antérieurs qui ont bien fait la part des choses, notamment le portrait en général, qui a eu une grande vogue au temps de la Grande Mademoiselle. Je renvoie, à, par exemple, des travaux comme ceux de Mademoiselle Plantier, malheureusement, qui ne sont pas encore édités. Mais disons que le portrait, donc, est un genre connu. Mais alors, il y a une espèce d'entrée du portrait, mais qui était déjà chez Ray. Et chez La Rochefoucauld, pas tellement, mais surtout chez Ray, l'entrée du portrait dans les mémoires, alors, une espèce de rencontre, si on peut le dire, d'interférence. Le portrait devient partie nécessaire, et Chateaubriand s'en souviendra, bien sûr. Et le général de Gaulle aussi. Et le général de Gaulle, le bien, portrait du maréchal Pétain. Et sans doute. Et je crois que ça devient une traduction des mémoires. Et après tout, que seraient les mémoires sans les portraits? Je crois que c'est indispensable. Alors, peut-être, permettez-vous de lire quelques lignes de votre introduction en général, Yves Coirot, justement à propos de ces portraits, qui sont toujours par contraste. C'est-à-dire qu'il y a les contrastes qui sont dans le personnage, mais aussi l'âme qui, d'année qui contraste avec celle qu'il décrit. Alors ce n'est pas par hasard, écrivez-vous, que dans le portrait du duc d'Orléans est inséré, enchâssé, le portrait de Dubois. Car Dubois, âme d'année du prince, le possédait avec empire. C'est de Dubois que Saint-Simon dit qu'il travaillait dans les sapes. Oui, l'image de la sape et de la mine est fréquente chez lui, en effet. Alors, régulièrement laide, Stendhal se souviendra de l'expression, traitée avec un réalisme impitoyable, la duchesse de Bourgogne, déesse dans les nuées, c'est de Saint-Simon, a les grâces d'un pastel, magie d'une lumière au sein d'une lumière, d'un rayon dans le rayonnement. Éteignez ce rayon, et ses yeux si parlants, il reste la caricature. Alors, tout est dans le regard, en effet, chez Saint-Simon. C'est peut-être quand même le premier peintre à la fois du regard et son regard qui est comme une fusée. Vous employez ce mot de fusée. La visuelle. Oui, c'est ça. Le regard permet d'une part d'entrer dans l'intérieur des autres également, une sorte de manifestation de l'âme par le regard. Mais enfin, ceci, évidemment, je crois, était connu à son époque. Peut-être certains critiques actuels comme M. Starobinski en parleraient mieux que moi. Mais disons que c'était tout de même, ça faisait partie aussi du portrait et des mémoires que cet échange par les regards dans le Cardinal de Ray. Évidemment, si on cherchait un peu, on devrait trouver quelque chose d'analogue. Mais je crois surtout, il y a une qualité du regard dans les personnages, notamment presque sanctifiés, dirais-je, chez Saint-Simon, et qui est tout à fait remarquable, et également, ou inversement, chez les personnages démoniaques. Une espèce de flamme sombre, vous voyez le portrait de Harley, par exemple, une espèce de flamme que devine le lecteur, même si ce n'est que par des équivalents plutôt de l'ordre de la langue, mais donc une flamme très sombre qui couve et qui reluit, inquiétante, et vous voyez le père Tellier, cet éclairage aux bougies qui laisse deviner certainement des profondeurs diaboliques, et une sorte de latour à la Goya, si j'ose dire. Et alors, et inversement, vous avez arrêté ces regards angéliques. Les yeux du duc de Bourgogne. Et les yeux du duc de Bourgogne, surtout. Alors qu'il est le malheureux, comment dirais-je, évidemment, et des bossus. Nature ingrate. Nature très ingrate. Il a dû souffrir, d'ailleurs, terriblement. Alors, il écrit les plus beaux yeux du monde, voilà. Ne nous parlaient de l'âme. Enfin, il est sauvé par ses yeux qui nous parlent de son âme. Une mysticité profonde dans ses pages. Et que l'on soit, comment dirais-je, sur la même longueur d'onde, ou non, n'est-ce pas? Nous apprécions cette peinture comme nous apprécions la musique, puisque Stendhal parlait de musique à propos de Saint-Simon. On est obligé d'entrer en sympathie. Les yeux de Fénelon. Et les yeux de Fénelon. On ne peut cesser de regarder. Bien sûr, une sorte de fascination. Et je pense que le regard de Saint-Simon devait être également, je regrette qu'on n'ait pas de meilleur portrait de lui, en effet, mais on le devine. Bien qu'avec une candeur peut-être qui est due au pinceau de Rigaud, mais enfin dans son premier portrait de jeunesse. Alors il y a des Goya corrigés par Zurbaran, vous l'écrivez, comme la duchesse de Bourgogne, il y a des portraits donc impitoyables, vitriolés. Alors voici le premier président, alors je vous cite, plutôt je cite Saint-Simon que vous citez, grinçant le peu de dents qui lui restait, se démontant le visage à vis, et je crus un moment son menton tombé sur ses genoux. Le médecin Fagon, qui se limaçonne autour de son bâton, et le grand dauphin absorbé dans sa graisse et dans ses ténèbres, énorme nullité, il tâtonnait toujours en marchant, et mettait le pied à deux fois. Un dernier coup de pinceau, ajoutez-vous, Monseigneur sifflant dans un coin de salon de Marly et frappant des doigts sur sa tabatière, ouvrant de grands yeux sur les uns et les autres, sans presque regarder. Évidemment, c'est un concentré. Je citais, je disais, Daumier, tout à l'heure, oui, mais vraiment une puissance du trait qui, évidemment, apparaît encore bien davantage quand on isole ces détails. Ils sont très fréquents. Ils sont très fréquents, justement. C'est du très bon Saint-Simon. À peu près à chaque page. C'est ça, du très bon Saint-Simon, et notamment dans ce premier tome, évidemment, mais qu'il ne doit pas faire négliger non plus une espèce de continuité d'univers, n'est-ce pas, de totalité. Je crois qu'il faut bien prendre garde à cela, que les anthologies ont leur mérite, mais j'entends par là qu'une lecture totale et globalisante me semble aussi nécessaire. Et vous écrivez qu'une anthologie des mémoires n'offre que des reflets de l'œuvre et de son esprit même. Magnifique reflet, certes. Oui. Mais alors, on n'a pas, évidemment, cette vue d'ensemble où on voit précisément cet univers qui est un univers infernal. Enfin, Versailles, c'est l'enfer. Pour beaucoup. Dans les notes, on est obligé, évidemment, de donner beaucoup de renseignements biographiques et autres. Mais je me suis employé, justement, à bien isoler, à ne pas faire perdre dans une somme encyclopédique tout cela, n'est-ce pas, bien dégager les caractères, quand même, de l'univers que j'appellerais un univers saint-simonien, qui s'accorde à l'univers de Versailles, mais qui est interprété par un regard d'artiste et un art et une écriture d'artiste, n'est-ce pas? Alors, je n'écris pas des notes des omni recibili, ce serait un peu la tentation, quelquefois. J'essaie, si vous voulez, de proposer une annotation nécessaire, suffisante. Je m'attache principalement aux variantes, tout de même, du texte, qu'est en droit d'attendre un lecteur cultivé, bien entendu, et tout lecteur qui s'intéresse à Saint-Simon. Par conséquent, il aura immédiatement une idée des tâtonnements ultimes, laissant de côté le problème de la Genèse, et ben, ici, les tâtonnements ultimes de la plume, et il est toujours très intéressant de le saisir sur le vif au moment, par exemple, où bifurque brusquement sa pensée. De là, d'ailleurs, parfois des incorrections, n'est-ce pas? Vous suivez, à ce moment-là, Curinthe et Calamo, n'est-ce pas? Vous suivez l'artiste en train d'écrire. Oui, alors c'est pas toujours ce qu'il écrit, c'est donc l'histoire de son temps, c'est un peu son histoire et beaucoup l'histoire de son temps, car il est toujours un peu dans ses portraits. C'est quand même un fait unique, je crois, un cas unique, que quelqu'un écrive en 1694, il n'a pas encore 20 ans, n'est-ce pas? Que quelqu'un se mette à écrire ses mémoires à cet âge-là. Bah, Claude Mauriac le fait, en ce moment. Ah oui, mais alors, il a l'exemple de Saint-Simon. Mais enfin, tout de même, à son époque, je crois que vraiment c'est un cas unique. Il a été, en effet, très sensible à l'exemple de Bassompierre. Et je crois qu'il rêvait quand même, un peu comme Bassompierre, d'une carrière militaire prodigieuse. Je pense que lui, qui était noble, le noble de race, on a beaucoup trop parlé, n'est-ce pas, de cette noblesse ou de cette duché trop récente. Passons. Disons que lui, de son noble, songer certainement une grande carrière militaire. Et une des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, il en veut, je crois, à Louis XIV aussi, c'est d'avoir quand même interrompu, brisé sa carrière. Il a eu sa carrière brisée, il a dû quitter le service beaucoup plus tôt, parce qu'il a vu que passer devant lui des cadets, n'est-ce pas, qui n'avaient pas son mérite, ni sa place. Il était très mauvais soldat. Il ne faudrait peut-être pas trop grossir certains faits. Son régiment mal tenu. Oh, je ne suis pas militaire de service, mais quel militaire n'aura pas eu dans sa carrière une visite d'inspecteur? Il se trouve que le hasard a conservé en effet des documents montrant que son régiment était mal tenu. J'ai l'impression que beaucoup de régiments étaient mal tenus. Mais M. André Corvisier serait plus capable que moi de répondre à cette question. Il était plus fait d'ailleurs pour regarder que pour agir. Ou pour conseiller. Il conseillait volontiers, il n'agissait pas. Je pense surtout qu'il devait rêver d'associer l'action et l'écriture. Et ma foi, il s'est rabattu sur ce qu'il a pu, parce qu'il est très difficile à la fois d'agir et d'écrire. Alors, il a un petit peu goûté de tâcher de tout, mais il est évident que ses premiers textes dans le procès de Luxembourg, qui sont reproduits à la fin du tome 1, textes retrouvés récemment par Mamie Molfarb, eh bien ces textes montrent assez que très tôt, il a voulu écrire ce qu'il voyait, mais également les actions où il intervenait. Alors, ça, c'est pour nous assez plaisant, parce que finalement, ce guerrier écrit, n'est-ce pas, une petite guerre d'encrier, de plumitif. Il se trouve en procès avec son général, mais pour des questions qui n'ont rien à voir avec l'armée, à savoir de l'ancienneté de Péry. Et alors donc, je crois que là se manifeste le mieux la concurrence chez lui d'une vocation d'écrivain qui triomphera aisément, aidé d'ailleurs par certaines mauvaises intentions du roi qui a dû flairer l'espion. Eh bien, c'est là que se manifeste le mieux donc ce conflit entre cette vocation d'écrivain et une vocation qui était celle de l'action tout de même, mais dans un domaine tout de même plus grand que celui du Parlement. Mais très tôt, il rêvait de concentration. Il écrit très tôt, puisque son premier texte, je crois qu'il avait 15 ans. C'est la Dauphine. Très tôt, qui était conservé. Il avait 15 ans. Il avait 15 ans, mais je pense qu'il avait dû. On a bien dû perdre d'autres textes qu'on aimerait retrouver. Oui. Il avait la rage d'écrire. La rage d'écrire, malheureusement. D'ailleurs, il faut voir ce qu'il a laissé. Et comment les lecteurs de la Pléiade s'en apercevront, puisque nous ne donnerons pas seulement les mémoires. Bien sûr. Le neuvième volume sera consacré à des essais divers, à des écrits divers, je veux dire, qui ont souvent des titres rébarbatifs, mais qui contiennent des pages admirables. Très beaux morceaux. Et qui méritent d'autant plus d'être réédités qu'ils ont souvent été très mal, à la différence des mémoires, puisqu'il y avait l'édition Boileau, qui ont été souvent très mal publiés. J'ai eu l'occasion de vérifier souvent sur manuscrit déjà la plupart de ces textes. Il y a presque une ou deux fautes par page très souvent. Alors par conséquent, cela mérite aussi d'être publié après collation, et c'est ce que je compte bien faire. Oui. Alors, dernier paradoxe, on pourrait finir d'ailleurs là-dessus, cet homme qui a passé son temps non pas à faire l'histoire, Monsieur Buge disait avec beaucoup de raison qu'il n'a jamais essayé d'intervenir, même quand il connaissait la clé des problèmes. Mmh. Dans une certaine mesure, peut-être nous donnez-vous, Yves Coirot, la réponse à cela, en nous disant que pour lui, l'histoire, c'est quand même le mal. L'histoire, c'est un démasquement. Mmh. Et on attend avec hâte l'Apocalypse. L'Apocalypse étant révélation, l'histoire est une ombre entre nous et Dieu. Ah oui, certainement. Il y a un grand croyant, vieux Saint-Simon, homme de foi. Avec une sorte de croyant manichéen, même. Oui, manichéen, mais disons franchement augustinien, qui était la couleur du christianisme de son temps, qui n'était pas seulement janséniste, car l'augustinisme était partout. Les chercheurs des dernières années l'ont bien montré. Par conséquent, une couleur assez sombre déjà dans ce christianisme, la peur de la mort, etc. Je renvoie évidemment à certains textes actuels, certaines recherches sur la thanatologie passant. Disons que dans l'ensemble, sa peinture est sombre et profondément imprégnée de christianisme. Maintenant, de là à dire que ce chrétien a une telle foi qu'il ne doute pas un instant d'être au nombre des élus, je ne suis pas sûr qu'on puisse entrer à ce point à l'intérieur de son âme. Et pour ma part, je laisse quand même sous réserve le problème de la certitude ou de l'inquiétude de Saint-Simon. Oui, mais alors sa dignité, c'est précisément, vous l'écrivez, sa dignité, c'est de s'admirer, et de s'admirer en écrivant. Ah oui, ça, certainement, c'est une compensation, je crois, c'est une... également, disons qu'au-delà d'une compensation, il y a un plaisir de l'écriture, et qu'il communique, et ça surtout, je crois. Oui, il était inquiet, d'ailleurs. Sa lettre à Rancy le prouve bien. Oui, oui, bourré de scrupules, Et alors, ce qui est amusant, c'est de voir dans cette lettre à Rancy, dans d'autres textes d'ailleurs, se faire, s'il peut y avoir une sorte de dédoublement, son propre confesseur. Au fond, lorsqu'il écrit ses mémoires, c'est un peu cela, son propre directeur de conscience. Il y a le Saint-Simon qui se sent pécheur, puis le Saint-Simon qui donne royalement l'absolution. On le devine, on le devine. D'ailleurs, il y a deux Saint-Simon aussi. Il y a le Saint-Simon mondain, et qui dit que le monde en même temps est vanité, exactement comme Proust. Pour savoir que le monde est vanité. Et que le monde est néant, il faut l'avoir vécu. Tout homme est double homme duplex, n'est-ce pas ? Je crois que Saint-Simon en est bien l'exemple. Mais en même temps, tout cela est extrêmement cohérent et puissant. Jean d'Ormesson de l'Académie française et Roland Mounier de l'Institut ont bien voulu maintenant, dans cette émission, intervenir en tant qu'usager de Saint-Simon et en particulier lecteur de cette nouvelle édition dont nous rendons compte ce matin, l'édition donc des Mémoires de Saint-Simon, avec les additions au journal de Dangeau, édition établie par Yves Coirot, publiée dans la bibliothèque de la Pléiade. Le premier volume est sorti et 9 volumes sont prévus, un volume tous les 9 mois. Eh bien, Jean d'Ormesson, que pensez-vous de ce texte que nous donne Monsieur Coirot, que je trouve admirable, ce texte compact pour la première fois, sans paragraphe, présenté tout à fait différemment des textes habituels que nous avons, des mémoires dans lesquelles nous pouvons lire les mémoires de Saint-Simon? Toute entrée dans la Pléiade est un événement. Enfin, il y a l'Académie, il y a le Nobel, et puis il y a la Pléiade. Mais peut-être la Pléiade convient-elle particulièrement à un auteur comme Saint-Simon. Et ce côté massif dont vous parlez très bien est tout à fait adapté à Saint-Simon. Et je pense que c'est évidemment une édition qui va rendre les plus grands services et qui est une édition très importante. Oui, elle est très proche des manuscrits en ce sens que jamais... Monsieur Coirot n'est passé à la ligne, exactement comme Saint-Simon écrit tout avec des petits inserts, comme en font les journalistes, pour montrer qu'il passe d'un sujet à un autre. Au fond, c'est le monde de l'anecdote et en même temps le récit dans sa continuité. Oui, c'est ça. Je crois que vous dites très bien. Le côté anecdote et le côté massif, c'est déjà une première approche de Saint-Simon. Et comme le dit Monsieur Coirot, il faut envisager Saint-Simon d'ensemble. Roland Mounier, qu'en pensez-vous ? Incontestablement, n'est-ce pas ? Non seulement pour les mémoires, mais aussi pour ce que l'on a appelé, et jadis, les écrits inédits de Saint-Simon, et qui sont toute une série de traités politiques et de plans politiques de rénovation de la France, qui sont intimement liés aux mémoires. Les mémoires ont une unité profonde. Ce qui est le soubassement des mémoires, c'est la défense par le Saint-Simon, d'une part d'un groupe social, et spécialement le groupe des ducs et pairs, qu'il trouvait insuffisamment traité en France, la conception de Saint-Simon étant une France très hiérarchisée en ordre. Et d'autre part, la grande préoccupation de Saint-Simon, qui rend parfois la lecture des mémoires difficile, c'est son souci de la généalogie, son souci de suivre les familles dans toutes leurs ramifications, son souci des lignages. L'ancienne France était constituée par des lignages avec leur clientèle, sorte de grands clans qui se disputaient le pouvoir et les avantages du pouvoir. Et c'est cela qui préoccupe Saint-Simon, c'est de suivre les différents rameaux de ces lignages et leur clientèle de façon à bien montrer d'où les dessous de la politique à l'époque de Louis XIV. Alors là, je voudrais me tourner vers Jean d'Ormesson. Saint-Simon a toujours dit que l'histoire, au fond, se confondait pour lui avec ce que Roland Mounier vient de dire, c'est-à-dire avec l'étude des familles, l'étude des lignages. Alors là, il y a un texte de Monterland sur Saint-Simon qui est assez amusant, où précisément il dit à la fois que les lignages s'avilissent, ce que Saint-Simon dit. Il constate qu'à son époque, précisément, il fait son travail parce que plus personne ne le fait. Cette histoire par lignage disparaît. Alors, il est évident qu'au XXe siècle, Proust a pu dire que les clans Verdurin, les clans Guermantes, etc., ressemblaient aux clans de Saint-Simon, mais il est évident que s'en sont un peu les caricatures. Alors, donc, la phrase de Monterland, « Nul ouvrage obscène, écrit Monterland des mémoires de Saint-Simon, ne fut lu en cachette par un collégien avec plus de frétillement que je n'en eus à lire à cet âge, c'est-à-dire quand j'étais adolescent, les passages des mémoires où j'apprenais que tel de mes proches parents, orgueil du faubourg, avait eu à Versailles un ancêtre qui était, du moins selon lui, la risée de tous, et comment d'autres, que je croyais voir cavalcadeurs aux croisades, s'étaient anoblis d'eux-mêmes, saisis d'un beau mouvement sous Louis XIV, issu d'un financier. Alors vous, Jean d'Ormesson, qui avez des ancêtres qui ont activement participé à l'histoire, qui ont fait l'histoire du XVIIe siècle, avez-vous lu les mémoires dans ce même esprit ? Vous parlez de ma famille est naturellement de l'autre côté. Ma famille est du côté de Scatac, Saint-Simon. Si ma famille a joué un rôle modeste au XVIIe siècle, c'est du côté des parlementaires, qui sont une des bêtes noires de Saint-Simon. Et ce qu'il y a de les Robins. Les Robins, ceux qui font les remontrances au roi, ceux qui représentent déjà une certaine forme de tout ce que déteste Saint-Simon. Oui, la noblesse populaire. Certaine forme de libéralisme, si on veut. Et le propre de Saint-Simon, c'est d'être un historien merveilleux et un historien extrêmement engagé et qui défend, comme vous l'avez dit, les vieilles traditions du royaume et les lignages traditionnels. Mais il faut remarquer tout de suite que ce que dit Monterland s'appliquerait aussi tout à fait à Saint-Simon. C'est que Saint-Simon est une famille elle-même extrêmement récente. Et il attaque très violemment des gens comme les Luynes, qui sont en effet sortis de la bonne volonté de Louis XIII. Mais Saint-Simon, c'est pas beaucoup mieux. Et il y a la fameuse origine de la famille de Saint-Simon, dont on dit que... qui remonte à Milan. Oui, c'est alors quand il se présente devant le roi, qu'il a 18 ans, que son père est mort, puisque le père avait 66 ans quand Saint-Simon est né, il va donc à Versailles se présenter à Louis XIV et il dit « je fais une enjambée de 1000 ans ». C'est ça, mais vous savez d'où venait le succès de la famille Saint-Simon plus récemment que 1000 ans. C'est de chasse. C'est la fameuse idée du cheval mis tête bêche avec l'autre pour que le roi puisse passer d'un cheval à l'autre sans mettre pied à terre. Alors on mettait les deux chevaux tête bêche et le roi passait directement, mettait son pied dans l'étrier de l'autre cheval et tournait autour des deux chevaux et se retrouvait à cheval sur l'autre. Vous voyez que... Oui, il y a l'histoire du corps de chasse. Et puis l'histoire du corps de chasse. Le père qui ne crachait pas dans les corps de chasse, qui était le seul à ne pas cracher dans les corps de chasse. Un des paradoxes de Saint-Simon, c'est l'importance, la présence énorme de Saint-Simon. Et puis c'est tout petites choses, le corps de chasse, le cheval tête bêche, le tabouret des ducs et des duchesses qui jouent un tel rôle, et ce mélange de sérieux et de futilité qui est une des caractéristiques de Saint-Simon. Oui, mais avec en même temps, c'est un homme qui a toujours défendu donc la famille légitime. Il faut quand même peut-être dire un mot de sa guerre contre les bâtards du roi. C'est l'apogée de sa carrière, si l'on peut dire. C'est une des clés, n'est-ce pas? C'est un des pôles des mémoires de Saint-Simon, c'est la lutte. Le grand lit de justice contre dans lequel on casse le testament de Louis XIV. Avec le formidable portrait des parlementaires et de tous les. C'est presque du daumier, n'est-ce pas? Le portrait des parlementaires qui sont peints sur le vif avec génie. Et alors, une des haines de Saint-Simon, ce sont ces bâtards du roi. Qui, à ses yeux, détruisent la monarchie légitime. Oui, avec toujours, quand même, ce qui court dans tout ce livre, c'est le sang que répand le roi, qui est quand même considéré souvent comme un roi sanguinaire, en particulier au moment de la révocation de l'édit de Nantes, puisqu'il s'est insurgé contre cette révocation, mais c'est surtout le sang bleu. Vous parliez de ces tableaux d'ensemble de Saint-Simon, je crois que c'est unique dans la littérature, non? Et vous qui avez écrit des romans qui sont souvent au fond des chroniques comme à la gloire de Dieu, enfin des chroniques d'une société, est-ce que Saint-Simon vous a inspiré? Je pense que Saint-Simon est une des sources de la littérature moderne, en ce sens qu'il y a certainement une lignée des grands chroniqueurs et qu'on pourrait trouver, je crois, une lignée Saint-Simon-Proust. Proust était un grand lecteur de Saint-Simon et on pourrait rattacher peut-être Chateaubriand à cette lignée Saint-Simon-Chateaubriand-Proust, les chroniqueurs, les historiens passionnés et les peintres d'une époque avec des tableaux individuels extraordinairement brillants et des historiens qui sont en même temps très engagés dans l'histoire, oui, l'idée, et très partiaux. L'idée de Saint-Simon, et je pense que c'est l'idée de tout homme qui s'efforce de décrire l'histoire, c'est de laisser une matière intacte, qu'on se dise 50, 100 ans, 300 ans après, qu'on se dise c'est ça, c'est comme ça. Même si la vision elle-même est très déformante. Là, vous abordez avec les 100 ans, 200 ans, 300 ans, et cette vision déformante, il y a un problème de chronologie qui est extraordinairement important chez Saint-Simon. Le premier problème, c'est que nous avons presque le sentiment, à cause de ce que vous disiez, monsieur, c'est cette défense des lignages. On a presque l'impression que Saint-Simon remonte vers les temps féodaux. En tout cas, on le voit très près de Louis XIII. Alors qu'il meurt après Montesquieu. Il meurt quelques mois après Montesquieu, 1755. Au début de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et, comme chacun sait, ces mémoires sont connues très tard. La première édition est 1788. Oui, qui circule en 1788, oui. Mais en réalité, c'est seulement au XIXe qu'ils sont largement répandus. Et alors, il y a ce problème d'un écrivain qui, d'ailleurs, ne se considère pas lui-même comme un écrivain, mais se considère comme un grand seigneur qui donne son avis sur les choses du temps et qui apparaîtra deux siècles plus tard comme un des plus grands écrivains français. Oui, d'ailleurs, il faut dire que la plupart des grandes œuvres françaises sont des posthumes. Les Pensées de Pascal ou Saint-Simon. Et les mémoires d'outre-tombe. Vous dites ça pour me flatter. Alors, Roland Mounier, peut-être pourriez-vous nous dire un mot de cette politique de Saint-Simon, enfin cette politique de la pairie, puisque tout son livre est au fond une défense de la pairie. Que voulait-il dans ce XVIIe siècle et qu'est-ce qui les a déçus? Eh bien, comme le disait très justement M. d'Ormesson, Saint-Simon a une conception absolument féodale de la politique. Il reproche beaucoup au roi de France, naturellement à Louis XIV, mais pas seulement à Louis XIV, d'avoir accaparé des pouvoirs politiques qui devaient être exercés, selon lui, par les grands nobles de race. Il s'insérait parmi les grands nobles de race alors que vraiment il n'avait aucun titre à le faire. Mais son idée, c'était toujours de remonter aux institutions, comme disaient jadis les ligueurs, aux institutions du temps de Hugues Capet, et mieux encore, s'il se pourrait, je crois que l'expression est du temps de la Ligue. Son idée, c'est une France où les ducs et pairs principalement, mais en général les familles de très grande noblesse, comme les Latrimouille par exemple, et je ne parle pas naturellement des Condé, Conti et autres, mais des familles moins connues aujourd'hui comme les Latrimouille, par exemple, gouverneraient leurs terres, gouverneraient leurs différentes seigneuries eux-mêmes. Selon le droit romain. Pas selon le droit romain, pas du tout, selon le droit féodal. Plutôt les livres. Et ils obéiraient au roi en tant que fidèles vassaux du roi, mais le roi n'aurait pas le droit de s'adresser directement à leurs sujets. Tous les ordres du roi devraient passer par eux-mêmes. Ça, c'est une conception purement féodale et qui fait la grande différence de la centralisation et de la décentralisation poussée à leurs limites. Il y a centralisation lorsque le chef de l'État peut s'adresser individuellement à tous les sujets de l'État. Il n'y a plus à la décentralisation poussée au maximum lorsque le chef de l'État est obligé de passer par certaines personnes qui sont les intermédiaires. Et c'est cela que voulait Saint-Simon, qu'un certain nombre de très grands nobles soient les relais du roi. Naturellement, inutile de souligner la puissance que cela donne à ces nobles, la faiblesse relative du roi à ce moment-là, et l'état de faiblesse par conséquent de l'ensemble du corps politique que ça aurait réalisé. Mais très nettement, en effet, il y a là une conception féodale de la monarchie. Alors la chose quand même importante, c'est moins de prendre des positions politiques que de voir à quoi conduit la politique de Louis XIV et comment Saint-Simon la décrit et la juge, enfin les faits. Alors là, je prends tout simplement d'abord la lettre à Louis XIV, lettre anonyme à Louis XIV sur la misère longue de plus de 50 pages, qui sera dans le tome 9 de la Pléiade. Alors l'essentiel, c'est d'abord le roi endetté le royaume. Jamais roi, écrit Saint-Simon, ne créa tant de dettes avec si peu d'assurance. Et deuxième point, quel compte que tant de fleuves de sang dont vos ministres vous ont fait inonder l'Europe. Quel compte que tant d'autres déluges d'un sang d'une autre espèce, mais non moins réel, je veux dire de tant de trésors que ces ministres vous ont fait répandre. Alors Roland Mounier, vous connaissez comme personne ce XVIIe siècle, le jugement de Saint-Simon sur la politique de Louis XIV. Sur les résultats de cette politique, il n'y a aucun doute. L'endettement a été colossal, puisqu'à la mort de Louis XIV, il y avait un endettement de 2 milliards de livres. Le livre tournois, n'est-ce pas? C'était fantastique. Le roi avait fondu sa vaisselle. On comprend très bien que finalement, tout s'est terminé par une gigantesque banqueroute. C'est incontestable. Les fleuves de sang, les fleuves de sang, c'est relatif. Mais nous avons fait mieux. On n'arrête pas le progrès. Mais il est positif, ne pas que les armées de Louis XIV, toutes réunies, ont atteint par moment 800 000 hommes. Et que ces armées, qui en avaient au moins autant de l'autre côté chez les coalisés, et que ces armées ont procédé toujours suivant la méthode de combat d'une époque où l'on ne pouvait pas obtenir un résultat par la destruction des armées, eh bien on cherchait à les empêcher d'avancer et les obliger à reculer par la vieille tactique du dégât qui d'ailleurs venait du fond du Moyen-Âge. On détruisait tout. Ça a été la fameuse destruction du Palatinat, mais qui a été mise en montée en relief par des pamphlétaires pour des raisons temporaires, n'est-ce pas? C'était la méthode de combat traditionnelle et que tout le monde employait. Alors évidemment, les fleuves de sang, les ruines accumulées, bon, bah, ça, c'est exact. Seulement, si les résultats de la politique sont certains, pas, il faut se demander si Louis XIV pouvait faire autrement. Que pouvait faire une autre politique. Ce que Saint-Simon, comme tout l'entourage du duc de Bourgogne dont il fait partie, mené par Fénelon, n'a absolument jamais voulu considérer, c'est que la succession d'Espagne se présentait de telle façon que Louis XIV s'y retrouvait devant le vieux problème de l'encerclement de la France par les Habsbourg, n'est-ce pas ? Et qu'il a été obligé, et alors avec l'aggravation, de l'intrusion des puissances maritimes, l'Angleterre et la Hollande dans l'affaire, car le temps avait marché, et ce qui se posait à l'époque de Louis XIV, c'était également le problème de l'hégémonie sur mer et le problème de l'utilisation commerciale de l'Empire espagnol. Eh bien, Louis XIV, devant les appétits de toutes sortes qui entouraient la France, pouvait-il faire autre chose qu'une politique de guerre? Moi, je me suis toujours posé la question. Oui, mais alors vous avez participé quand même à une histoire économique, celle de Fernand Braudel et Ernest Labrousse. Un mot peut-être sur ce que Saint-Simon dit des paysans. On sait qu'à l'époque, la France est quand même le royaume le plus riche, que c'est en même temps le mammouth de l'Europe par la population. Alors, dans les eaux de vos sujets, écrit Saint-Simon, dont la nudité et la défaillance rendent les champs incultes, tarissent l'espèce du bétail et ne laissent plus en proie aux durs exacteurs des impôts que les restes de leurs maisons délabrées, dont ils démantent la charpente pour être vendus à vil prix. Alors, est-ce là aussi un constat exact, un tableau vivant de ce qui s'est passé, une matière intacte de ce qui était ? Oui. Oui, à condition de ne pas trop généraliser tout de même. Des faits comme ceux-là se passaient dans les provinces envahies ou sur le passage des soldats. Il ne faut pas non plus trop généraliser. Il me semble que cette âpreté de ton ne se retrouve que sous une autre plume. Et il me semble que nous avons là une attaque de droite, celle de Saint-Simon, et puis une attaque de gauche, celle de Vauban. Est-ce que Vauban n'est pas aussi sévère de l'autre côté contre Louis XIV que Saint-Simon du côté féodal? Ah oui. N'est-ce pas? Ah, est-ce oui, qu'on oui peut dire ça? Est-ce qu'on ah peut oui, dire que, ça vous pose. Qu'il y a oui une attaque féodale et réactionnaire qui est celle de Saint-Simon et une attaque, nous dirions aujourd'hui, de gauche et progressiste qui est celle oui, de Vauban? Oui, de gauche progressiste, enfin, naturellement. C'est oui, avec un sourire. C'est pas contre la politique oui, en oui général de Louis XIV que Vauban est dur. C'est particulièrement contre un certain nombre de ce qu'il appelle on pourrait appeler des malfaçons de l'administration financière. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Et il propose alors des plans dont on a beaucoup parlé. Vous auriez les textes aussi de La Bruyère, extrêmement... Également. Dans les campagnes. Et dans tout cela, il faut faire attention qu'il y a d'une part la généralisation indue de faits qui existent, mais qu'il ne faudrait pas croire majoritaires. Et puis alors, d'autre part, il y a une réaction de gens du monde, si je peux m'exprimer ainsi, devant le travail des paysans, qui paraissait beaucoup moins effrayant aux paysans qu'à ces gens qui les regardaient. Il y a cette réaction de gens de salon devant le travail des gens qui sont dans la boue, sous le soleil, évidemment. C'est un travail très dur, mais qui ne paraissait probablement pas tellement terrible aux intéressés eux-mêmes. Il y a aussi un fait que l'on ne peut pas imputer au gouvernement, c'est les mauvaises conditions climatiques de cette deuxième moitié du XVIIe siècle. Le roi Ladurie a fait là-dessus de très beaux travaux, qu'il ne faut pas oublier. Ça a été une période d'hiver dur, et surtout d'été frais et humide. Donc, des périodes où les moissons ont toujours été menacées et souvent très mauvaises. Et alors, il y a eu certains moments, comme les périodes 1693, 1694, 1709, 1710, avec des fameux des hivers très froids et très rudes, des étés défavorables, des récoltes déficitaires, et, comme on disait à cette époque-là, des mortalités qui en résultaient, n'est pas, avec épidémies, etc. Et le prix du blé, on s'occupait Meuvray. Voilà, n'est pas, alors avec les hausses fantastiques des prix du blé. Alors évidemment, des situations qui, à une époque, avec les moyens de transport de l'époque, tout ce qui était loin d'une rivière, on ne pouvait que très difficilement apporter le peu de supplément de nourriture qui empêche des hommes de mourir. De sorte qu'il y a eu, par moments, dans certains endroits, de très grandes souffrances, mais qu'on ne peut pas imputer au gouvernement. Alors, Saint-Simon et Louis XIV, maintenant. Ah, oui. Oui, alors c'est un sujet très important, parce que Saint-Simon, évidemment, est toujours en face de Louis XIV. C'est, si l'on peut dire, l'espion, comme dit M. Coirot, de la cour de Louis XIV. En même temps, les portraits sont successifs, et c'est très difficile, au fond, de se faire une idée, car constamment, il nuance. En même temps, d'emblée, il nous prévient, je ne mêlerai pas mes sentiments aux mémoires, je parlerai sans haine du roi, ou tout au moins, j'essaierai d'y atteindre, je tâcherai d'y atteindre, comme il dit. Alors, est-il arrivé à cette objectivité? A-t-il parlé de Louis XIV sans haine? Il y a peut-être un mot que nous n'avons pas prononcé et qui fait le lien entre ce que vous disiez et les portraits, c'est Versailles. C'est cette politique de Louis XIV d'empêcher la noblesse d'influer et d'intriguer sur ses terres, de ramener tout le monde à Versailles. Et c'est à Versailles que Saint-Simon, dans ce qu'il appelle, je crois, sa soupente, mais il faudrait nuancer aussi. Là, il faut dire que sa femme étant dame d'honneur, il avait bénéficié à partir de 1701, il avait bénéficié d'un logement à Versailles. C'est ça. Et il a une matière merveilleuse pour ses portraits. Et les portraits sont évidemment liés tout à fait à cet arrière-plan politique que nous venons de... Dans le portrait était un genre assez familier au XVIIe siècle. Il est évident que les mémoires de Saint-Simon, elles ne sont pas écrites chic. Constamment, il repose sur des chartes, sur des vieux papiers, des documents. Il a interrogé tout le monde à Versailles, depuis le grenier jusqu'aux cuisines. Malgré ce que dit Chateaubriand, vous rappelez la formule de Chateaubriand sur Saint-Simon, il écrivait à la diable pour l'immortalité. Oui. Joli. C'était un homme qui avait une puissance d'imagination et une puissance de vision extraordinaire. Il a dû aussi travailler sur des images qui était resté en lui. Et il ne faut pas mépriser ce mode de travail, parce que tout dépend des circonstances de la vie. Il y a des choses qui vous impressionnent tellement que l'image se fixe immédiatement et ne subit plus de déformation, même au bout de 30 ou 40 ans. Puis alors, il y a un coefficient personnel. Saint-Simon, il est un visuel extraordinaire. Et donc, il nous traduit les images telles qu'elles s'étaient fixées en lui. Il y a un hiatus entre les choses telles que nous les décrit Saint-Simon et ce que l'on peut trouver dans d'autres documents. Je fais allusion ici, par exemple, à ce qu'il dit sur la création de la capitation, par exemple, sur des choses comme ça. Quand on va voir ce qu'il nous en dit et qu'on vérifie ensuite, que d'autre part, on prend connaissance de la façon dont les choses se sont passées par des correspondances ministérielles, par des états de finances, par les arrêts du Conseil d'État, les édits, etc., et qu'on reprend cet ensemble de documents, il y a toujours une marge considérable entre ce que nous représentent les autres documents authentiques et ce que nous dit Saint-Simon. J'ai été tenté, dans les cas où j'ai pu étudier ces questions, je les ai étudiées particulièrement dans la politique financière à plusieurs reprises, n'est-ce pas ? J'ai été tenté de donner raison aux documents officiels et de considérer que Saint-Simon s'était trompé. Maintenant, il est possible, après tout, que Saint-Simon, qui vivait à l'époque, ait eu des données qui n'ont pas laissé de traces, et que ce soit lui qui soit exact. Mais dans mon travail d'historien, étant donné ce dont je dispose maintenant, c'est-à-dire de traces écrites de choses qui se sont passées, de traces qui sont des débris de ce qui s'est passé, je suis obligé de mettre en cause l'exactitude de Saint-Simon. Est-ce qu'il travaillait surtout par anecdote et pas, ou est-ce qu'il avait accès à des documents? Est-ce qu'il avait une information? Il avait certainement accès à des documents. Oui. Seulement, il est tellement passionné. N'oubliez pas qu'il a été ami, et même, on peut dire, collaborateur politique de Chevreuse et de Beauvilliers. Et Chevreuse et Beauvilliers, l'un et l'autre, étaient des conseillers écoutés de Louis XIV. Alors, Jean d'Ormesson, vous parliez tout à l'heure de Versailles, et avec juste raison, puisqu'on peut dire que Versailles, pour nous, c'est la création de Saint-Simon, autant que la création de tous les architectes, et de Colbert, et évidemment de Louis XIV. Cette création, Saint-Simon est impitoyable, les Gardels, c'est une sorte de création démoniaque, l'enfer c'est Versailles. Bien sûr, je déteste Versailles qui est le symbole de tout ce que... Alors, ce qu'il reproche essentiellement à Versailles, c'est d'avoir mué cette noblesse d'ordre en un décor, de l'avoir fait passer par des labyrinthes, par une étiquette, par une mécanique. Oui, à partir de ce moment-là, elle se pliait, il n'y avait plus de nobles, il y avait des moutons. Oui. Donc c'est le changement d'une société de nobles, ou de hiérarchie, d'ordre, en une société de classe. Alors, votre avis là-dessus? Ces préoccupations d'étiquette, de politique, ces préoccupations sociales de Saint-Simon vont faire de lui, à cause de cette imagination dont vous parliez si bien, vont faire de lui un écrivain extraordinaire. Et je me demande si Saint-Simon a pu prévoir qu'il serait un écrivain si exceptionnel. Vous avez parlé du rôle des œuvres posthumes dans la littérature française. Il y a un autre point qui me paraît intéressant, c'est le fait que quelques-uns des plus grands écrivains n'étaient pas des hommes de lettres. Saint-Simon n'était pas vraiment un homme de lettres, c'était un grand seigneur qui s'indignait de ce qui se passait. Et ses préoccupations politiques et sociales vont le transformer dans un prosateur et un chroniqueur inouï. Il a même le mépris de l'homme de lettres. L'homme de lettres est pour lui un grimoire. C'est quelqu'un qui a de l'entre-deux. Et je ne vois que, je ne voudrais pas aller trop loin, mais je ne vois que un grand précédent à quelqu'un qui est si loin des préoccupations littéraires, qui les méprise en un certain sens et qui devient un très grand écrivain, eh bien c'est Jules César. Jules César est un grand capitaine, un grand homme politique, et il sera aussi, presque à sa stupeur, je dirais, un grand écrivain. Eh bien, Saint-Simon est non seulement un féodal réactionnaire, un féodal passionné, qui déteste les hommes de lettres, et il se retrouvera un des plus grands écrivains de la littérature française. Alors, on l'avait repéré en tant qu'écrivain, tout au moins c'était un personnage d'une volubilité extraordinaire qui a époustouflé toute la cour, parce qu'il est presque toujours dans ses tableaux, mais il est un peu comme le personnage d'Hitchcock, qu'on voit un instant comme le personnage du peintre de certains tableaux qui disparaît, qui part pas. Il part par la seule porte ouverte ou qui regarde le dos tourné aux spectateurs du tableau. Mais néanmoins, il est toujours présent dans ses mémoires. Louis XIV lui a dit un mot qui est terrible, « Il faut tenir votre langue, monsieur ». Oui, c'est ça, il faut tenir votre langue, et il aurait pu lui dire « Il faut tenir votre œil ». Car ce qu'est, je crois, Saint-Simon merveilleusement, c'est un œil passionné. Et je dirais que c'est une caméra, n'est-ce pas? C'est la caméra de l'époque. Et en plus, une caméra qui, loin d'être objective, est extraordinairement passionnée et nous donne ces images. Une des plus célèbres, c'est celle des parlementaires, encore une fois, au moment où le testament de Louis XIV est cassé et où il dépeint la fureur de ces parlementaires. Il y a un portrait du président de Harley qui est il ricane de toutes ses dents. Absolument inouï. Je crois que ce n'est pas dans ce tome-là, n'est-ce pas? Ce sera, dans un tome plus lointain. C'est de 1718. Et c'est un tableau extraordinaire qui mériterait les yeux fichés, collés sur ces bourgeois superbes. Voilà, c'est ça, les yeux fichés sur ces bourgeois superbes. Alors un mot peut-être, et c'est extrêmement intéressant, et c'est ce que Yves Coirot nous a surtout apporté dans sa préface, c'est non seulement le Saint-Simon biographe, autobiographe, portraitiste, dont l'autobiographie devient les mémoires de de la cour de Louis XIV, Versailles, un monde, un univers, cet univers étant double, à la fois l'univers qu'il aperçoit, qu'il voit, qu'il décrit dans l'instant, avec des notes prises sur le moment, et d'autre part l'univers de ses souvenirs, ou alors là, avec les spectres qui hantent sa mémoire, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est évident que les spectres, on peut les manipuler comme on veut. Ils n'ont pas de défense, ils n'ont pas de répondant, pas de résistance. Alors là, il s'en donne à cœur joie. Alors selon Yves Coirot, il y a quand même une vision métaphysique qui traverse tous les mémoires de Saint-Simon, c'est-à-dire qu'il croit le diable, comme il dit, et d'autre part, il y a une histoire providentielle, il y a le dessein de Dieu. Qu'en pensez-vous ? Je ne dirais pas qu'Yves Coirot a tort, parce que je sais à quel point Yves Coirot travaille solidement et sa connaissance extraordinaire de l'œuvre de Saint-Simon. Je dois avouer que je n'avais jamais considéré cela. Je n'irai pas jusqu'à être comme Monterland, qui en fait uniquement un auteur d'anecdotes, hein, sans aucune espèce de vision d'ensemble. Mais moi, je ne vois pas du tout qu'il y ait une métaphysique dans Saint-Simon. La métaphysique, je ne la vois pas vraiment. Ce qu'il y a, je crois, et il ne faut pas négliger les anecdotes. Il y a des anecdotes prodigieuses, n'est-ce pas, dans Saint-Simon. Je pense à cet homme qui est chassé de la cour de Louis XIV et qu'on retrouve parce qu'il y a une chasse qui s'égare. Vous vous rappelez cette histoire? Et où on retrouve cet homme qui est exilé au fond des forêts et on en parle à la cour et Louis XIV redécouvre son ennemi et le fait disparaître. Enfin, ce sont des anecdotes terribles. Mais ce qu'il y a, je crois, chez Saint-Simon, comme chez Chateaubriand, comme chez Proust, c'est l'écrivain, l'auteur est tout le temps présent, n'est-ce pas ? Comme dans les Mémoires d'Outre-Tombe, comme dans À la recherche du temps perdu. Il y a le Saint-Simon qui est là, tout le temps. Seulement, il est là tout le temps au moment de se perdre dans le spectacle qu'il dépeint et qu'il dépeint avec une subjectivité, quelquefois une partialité extraordinaire. Alors, vous avez ce jeu constant entre l'individu qui dit « je » et tout un monde de personnages, exactement comme dans les Mémoires d'Outre-Tombe et comme dans La recherche du temps perdu. Je crois que c'est très important ce que vous dites, Jean d'Ormesson, parce qu'on a souvent contesté à Saint-Simon cette aptitude aux échappées, aux réflexions. Il l'a, naturellement. Oui. Et c'est plutôt ça qu'une métaphysique, c'est que cet égoïsme, cet égotisme, cet égocentrisme, tout à coup, se s'étend jusqu'aux dimensions de Versailles, de la France, du monde féodal. Et de la nature humaine. Et de la nature humaine. Et vous avez cet échange constant entre un personnage et l'ensemble d'un théâtre et d'un monde. Alors, je pense que j'ai fait allusion à Yves Coirot, je voudrais citer son texte. Il dit essentiellement que Saint-Simon a essayé de faire entrer le temps dans l'espace et l'éternité, à l'opposition majeure de Dieu et de Lucifer. Saint-Simon n'eût pas écrit la fin de Satan, peut-être la fin de Dieu, correspond, si ce n'est la même, l'opposition de l'homme et de l'homme. Alors là, oui. M. Coirot cite évidemment la phrase sur Dubois, « Tous les vices combattaient en lui, à qui en demeurerait le maître ?» Alors plus loin, M. Coirot écrit encore, « L'histoire vibre sous cet éclairage oblique et perforant, elle culmine en une méta-histoire, la mémoire du réel s'épanouit et s'exaspère, en une sorte d'ultra-mémoire absolue, pour ainsi dire cosmogonique et omnisciente. » Alors, je dirais plutôt que, au lieu de la fin de Satan et de la fin de Dieu, je reprendrai ce que disait M. Mounier très bien. Il s'occupe surtout de la fin de la noblesse féodale. Je le crois. C'est ça ce qui l'intéresse. Qu'il soit incapable de vue d'ensemble, comme le prétend Monterland, certainement pas. Il a eu incontestablement une politique, et une politique qui n'est pas négligeable, car ses plans présentés au duc de Bourgogne, par exemple, auraient pu amener en effet à une reconstitution de la France, à modeler la France différemment, et ça aurait pu peut-être fonctionner. Nous ne le saurons jamais, puisque ça n'a pas été réalisé, mais ça paraît en tout cas assez solide, ce qu'il disait. Maintenant, j'admire ce que Coirot a écrit. Bon, c'est magnifique. Hein. Je ne suis pas certain que Coirot n'y ait pas mis beaucoup du sien. Bon, je croirais plutôt pour lui, à la capacité métaphysique de Coirot qu'à celle de Saint-Simon. Ben pour M. Coirot, il y a trois engences d'antiphysie, si l'on peut dire. C'est l'or, l'ambition et le pouvoir qui travaillent et traversent cette cour et qui l'animent. Et qu'en est-il en réalité ? Est-ce vraiment les moteurs de ce XVIIe siècle, l'or, l'ambition, le pouvoir ? ce ne sont pas seulement les moteurs du XVIIe siècle. Pendant le moteur du, dans le, parmi les moteurs du XVIIe siècle, il y a la religion. J'allais dire, et la foi. Ben voilà. Hein, la alors là, foi, ça c'est... Côté protestant ou côté catholique, mais bien sûr, la foi. Mais alors là, nous sommes précisément dans le parti de Saint-Simon, c'est-à-dire dans le parti dévot. Oui. Je voulais poser une question à M. Mounier. Est-ce qu'on pourrait tracer des grandes lignes si le duc de Bourgogne, Fénelon, Beauvilliers et Saint-Simon l'avaient emporté? Qu'est-ce que serait devenue la France? Qu'est-ce qui serait passé? Il y aurait quoi? Une espèce de décentralisation féodale? Une tentative de faire revivre la noblesse comme moteur de l'animation du pays dans les provinces? Est-ce que ça se serait passé? Il l'aurait essayé, très certainement. Il l'aurait essayé Quelque chose qui n'est pas un écrit de Saint-Simon, les fameuses tables de Chaune, établies par Fénelon et le duc de Chevreuse, en Picardie, quand Fénelon était exilé comme évêque de Cambrai, en sont encore une preuve à côté, n'est-ce pas, des différents écrits de Saint-Simon, des différents plans élaborés par Saint-Simon lui-même directement. Il l'aurait essayé. Qu'est-ce que ça aurait donné en politique étrangère, Fénelon va jusqu'à évoquer la possibilité d'abandonner une partie des conquêtes de Louis XIV, et de confier un certain nombre des entrées de la France à des garnisons ennemies, à des garnisons des adversaires de la France, pour bien leur prouver que la France avait des intentions absolument pures. Je crains que ça n'ait été un peu chimérique, et même un État aussi grand que la France aurait-il pu fonctionner à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle avec les formes féodales auxquels songeaient Saint-Simon, Fénelon, Chevreuse, etc. J'ai des doutes, j'ai des doutes très sérieux, ne serait-ce que pour des questions de pratique administrative. Mais incontestablement, il l'aurait essayé. Oui, et il n'est pas dit a priori, j'ai des doutes personnels, mais il n'est pas dit a priori que ça n'aurait pas pu fonctionner. Seulement, ça aurait fait de la France, évidemment, un État beaucoup moins puissant qu'elle ne l'était. Et est-ce que cet État aurait été capable de résister à des ennemis qui, eux, n'avaient absolument rien abandonné de leurs appétits et qui ne semblaient vouloir pas les abandonner du tout ça... Alors, au lieu de regarder les finalités, puisque vous ne pouvez pas répondre, Monsieur Mounier, regardons les causes. Ce que Saint-Simon, d'ailleurs, appelle les petites causes. Et là, je m'appuie encore sur la préface de Yves Coirot pour cette édition de Saint-Simon, son introduction générale. « La philosophie saint-simonienne de l'histoire, écrit Yves Coirot, nous intéresse finalement moins en elle-même que par référence à celle de ses contemporains, bien davantage par référence à sa peinture, philosophie sérielle, métaphysique, des emboîtements, perpétuel dialogue des si et des mais, elle s'harmonise merveilleusement avec une précieuse myopie, le goût des détails, des signes, et certains climats d'épopée, le goût de l'hyperbole et un clair-obscur propice à toutes les hallucinations. La petite cause, c'est la rancune de Louis XIV, la crainte de Louvois, mais aussi la frêle duchesse de Bourgogne qui triomphe de Vendôme-Goliath, mais aussi la fatale tabatière qui mène au tombeau la duchesse de Bourgogne. Petite cause, la tabatière empoisonnée est un cadeau de Noailles. Noailles est un suppôt du diable. Le diable veut le chaos, mais Dieu lui-même use de la tabatière et de Noailles et du diable pour punir la France. » Alors, votre réaction, Roland Mounier? Je trouve ça admirablement dit. Maintenant, ça rejoint toutes mes difficultés, tous mes scrupules d'historien professionnel. Il y a là toute une série de problèmes auxquels ni les historiens, ni je crois personne, n'a pu encore répondre jusqu'à présent. Et toute une série de problèmes dont je ne sais pas s'ils sont solubles, si on peut y répondre. C'est le problème des grandes et des petites causes. D'abord, et ça nous poserait alors un problème de causalité, il y a des gens qui prétendent que ce problème ne se pose pas en histoire, il ne se pose même pas dans les sciences de la nature. Alors, vous voyez, ça pourrait nous emmener très loin. Et alors là, oui, je pense que la tabatière de la duchesse de Bourgogne ou le nez de Cléopâtre ont pu avoir une influence, comme tout. Savoir exactement laquelle. Ce qui est sûr, n'est-ce pas, c'est, à propos des petites causes, c'est l'énorme talent de... le génie de Saint-Simon à l'égard des anecdotes. On parlait tout à l'heure de Saint-Simon métaphysicien. Il y a aussi un microcosme de Saint-Simon. Beaucoup de petits détails vrais ou gauchis, mais toujours passionnants. Et il y a un côté de Saint-Simon, je crois qu'on n'a pas prononcé aussi le mot, il y a un côté maniaque chez Saint-Simon, un maniaque du détail, du ragot. Monterland l'appelait le duc de la vétille. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Et vous vous rappelez que je crois que c'était Barrès qui parlait de Proust comme le conteur arabe chez la portière. Eh bien, il y a un côté maniaque et vétilleux chez Saint-Simon, qui est très attachant d'ailleurs, et qui colle très bien, ne fût-ce que par contraste avec les grandes vues dont nous parlions tout à l'heure. Mais n'est-ce pas par là, Roland Mounier, que pour l'historien, l'histoire de Saint-Simon, enfin les mémoires de Saint-Simon sont irremplaçables? Par le détail. Le détail, soit, mais il faut regarder également la tendance d'ensemble. Il faut regarder l'être de Saint-Simon. Saint-Simon lui-même, avec ses vues et avec ses grandes tendances d'esprit et de sentiment, et ses haines profondes, qui l'amènent dans certains cas à une clairvoyance effrayante. La haine est très utile, oui, par moments. Bonne conseillère. Et elle rend pénétrant. Eh bien, c'est tout cet ensemble qui est irremplaçable. Et en même temps, sa petitesse ou ses petitesses, dont on parlait, oui, à l'instant, ne font aucun avec les petitesses de son époque. Eh bien, je crois qu'on pourrait peut-être, si vous vouliez qu'on dise en une formule ce qu'est Saint-Simon qui nous ressuscite comme ça, la courde, on pourrait peut-être dire que c'est une résurrection passionnelle, rétrospective et vétilleuse. Voilà, je crois à peu près rendre justice à la fois à la partialité de Saint-Simon, à son souci d'objectivité, mais qui est truqué pas volontairement, mais gauchi par la passion, le souci de revenir en arrière toujours, et puis le détail, le petit fait, la vétille, l'anecdote qui apporte cet aliment littéraire à une vue d'ensemble. Yves Coirot dit « Les mémoires sont un immense reflet déformé, déformant, irremplaçable ». Alors je crois qu'il faut lire donc Saint-Simon dorénavant dans l'édition de Yves Coirot, publiée dans la bibliothèque de la Pléiade. 9 volumes sont à paraître, le premier volume, les années 1691-1701, plus les additions au journal de Dangeau, viennent de paraître, un volume paraîtra tous les 9 mois. Alors, je remercie Jean d'Ormesson de l'Académie française, Roland Mounier de l'Institut, Yves Coirot, l'auteur de cette édition, et Pierre Buge, directeur de la collection de la Pléiade, d'avoir bien voulu participer à cette matinée de France Culture, les lundis d'histoire. C'était les lundis de l'Histoire, présentés par Pierre Cipriot, qui recevait Pierre Buge, Roland Mounier, Yves Coirot et Jean d'Ormesson. Première diffusion sur France Culture le 14 février 1983. Si l'on veut se lancer modestement dans la lecture des mémoires de Saint-Simon, on peut se régaler dans un long portrait du duc de Lauzun, par le duc de Saint-Simon, bien sûr, que les éditions de Lerne publient sous le titre « Le roman de Lauzun ». Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Au même oui divin, I wonder when death to death is done. Every station on Nothing left, glory.